tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour, week-end théâtral. Nous étions hier à la même heure au Festival mondial du théâtre universitaire de Nancy. En 1967, bien sûr, aux côtés de son jeune fondateur, Jack Lang. Puis, toujours en 1967, quelque part en Avignon, à l'écoute de Roger Planchon, répondant à quelques détracteurs dans une ambiance pré-68arde. Roger Planchon, ce n'était certes pas Patrice Chéreau qui allait le critiquer. Au contraire, lors d'un entretien accordé à Moussa Abadi, il parlait de sa fascination pour Planchon. Dans cette même émission, Ariane Mouchkine évoquait le statut de la coopérative ouvrière de production et, à la question de savoir si elle envisageait de monter au théâtre une pièce de Molière, répondait « Un Molière, ça, il faut beaucoup de bagages ». Mais avant d'entendre ces deux jeunes metteurs en scène, place au Living Theatre, à ses interventions anti-guerre du Vietnam et à ses demandes de liberté en Grèce. Les colonels venaient de prendre le pouvoir. Et avant le Living Theatre lui-même, seront, tout d'abord, évoqués André Malraux, Jean Rostand et Brigitte Bardot. D'un jour à l'autre, nous étions le 19 septembre 1967 sur France Culture. France Culture, 19h28. D'un jour à l'autre, Hélène Tournaire, Jean-François Noël et Jean Jouquet vous présentent leur journal. Un journal préparé et réalisé avec le concours de François Letarga et de Gilbert Boris Duprez. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Hélène Tournaire, bonsoir Jean-François Noël, bonsoir. Comme le temps passe et comme le monde change. Et pour la deuxième fois ce soir, vous ouvrez votre journal, le journal que vous composez, je vous le rappelle, selon votre bon plaisir, votre journal d'hier à demain. D'ailleurs, votre journal hier a été interrompu par le temps, malencontreusement. Vous n'avez pas pu le terminer. Où en étiez-vous, Hélène Tournaire ? Après-demain. Aujourd'hui, nous sommes encore à demain, avec la sortie des anti-mémoires d'André Malraux. Événement important. Jean-François Noël, j'aimerais vous dédier, si M. Malraux le permet, le texte bouddhique qui est placé en exergue des anti-mémoires et qui vous va. Redites-le. L'éléphant est le plus sage de tous les animaux. Le seul qui se souvienne de ses vies antérieures, aussi se tient-il longtemps tranquille, méditant à leur sujet. Je suis assez flatté de cette comparaison. Et que répond l'éléphant ? Eh bien, l'éléphant n'est pas du tout troublé. Moi, j'ai toujours un petit La Fontaine qui sommeille dans mon cœur. Cet éléphant m'a fait penser à un rat, le rat m'a fait penser à une grenouille, et les grenouilles m'ont amené tout naturellement à Jean Rostand, qui vient de faire paraître les inquiétudes d'un biologiste chez Stock. J'ai acheté ce livre l'autre jour à minuit sur les Champs-Élysées. Vous vous couchez tard. Je me couche tard, surtout depuis quelques jours. Tous les éléphants. Comme tous les éléphants, et je ne dors que d'un œil. Et dans ce livre de Jean Rostand, j'ai trouvé une phrase très inquiétante, très insolite, très amusante, et qui correspond tout à fait à mes préoccupations. Ça a un rapport lointain avec la grenouille, mais ça a plutôt le rapport avec une certaine souris bien connue de tous les Français. Voici ce que dit Jean Rostand, qui est un homme sérieux, qui croit toujours plus ou moins au Père Nobel. Il n'est pas, jusqu'à la renommée de Brigitte Bardot, qui ne puisse avoir sa répercussion génétique, dans la mesure où s'en trouveraient avantagés dans la compétition sexuelle les gènes les plus aptes à produire un visage rappelant celui de la célèbre vedette. L'image répandue par l'écran de Brigitte Bardot tend à s'incarner dans l'espèce, je cite toujours Jean Rostand, qui légèrement se bardotise. Eh bien, je vous préviens, madame, monsieur, je ne saurai jamais être pris entre la souris et l'éléphant. De quoi, après ce hors-d'œuvre, ce petit hors-d'œuvre alléchant, de quoi est composé ce soir notre journal ? Mais du Living Theatre qui se produit à Paris. Et des bonnes feuilles du Rajdingue, le nouveau roman d'Henri François Rey. En effet, un événement très important, la présence du Living Theater jusqu'au 22 septembre au théâtre 347 à Paris. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait, je ne dirais pas du spectacle, non, mais plutôt des exercices d'acteurs. Cet exercice s'appelle The Brig. Ces exercices d'acteurs présentés par le Living Theatre sous le titre de Mysteries on Smaller Pieces au Théâtre 347 à Paris, ex-Grand Guignol. Ex-Grand Guignol. Oui. Et Gilbert Maurice Duprez, un fan du Living, notre ami Gilbert Maurice Duprez, est, je crois, en ce moment, en direct, aux côtés de Julian Beck. Allô ? Oui, Gilbert Maurice Duprez. Allô, Jean Jouquet ? Vous nous entendez ? M'entendez-vous ? Oui, très bien. Je vous entends très mal quant à moi. J'ai fait chou blanc au théâtre 347 où Julian Beck n'est pas là. Mais j'ai devant moi un jeune comédien du Living Theater qui, si vous le voulez, peut nous parler de... Oui, oui, oui. Travail sur le comédien. Eh bien, écoutez, nous écoutons... Je vous entends très, très mal. Moi, je vous entends bien. Comment? Ce sont les aléas de la radio en direct. Je vous entends bien. De quelle façon travaillez-vous avec Julian Beck? À quoi correspond l'atmosphère qui se crée sur un plateau? Oui, je parle en français. Je parle très mal en français, mais je pourrais expliquer. Et nous travaillons sur le plateau dans la plus grande amitié, informalité. Il n'y a pas du tout de règles et pas de formalisme. La seule discipline que nous avons, c'est la notre discipline intérieure, c'est la discipline de notre travail, parce que ce n'est pas un travail pour nous, mais c'est plutôt c'est toute notre vie et tout, nous avons dédié toute notre force, toute notre énergie à ce travail-là, parce que ce n'est pas un travail normal, mais nous essayons à faire une révolution. Une révolution, et nous avons choisi les moyens de l'expression théâtrale. Comment se déroule pour vous la révolution dans un cadre qui est le vôtre et qui est particulièrement américain, enfin qui est même américain? C'est américain, mais originellement c'est américain, et aussi il y a beaucoup d'influence américaine, c'est-à-dire que c'est pas une influence d'une façon de penser européenne. La première révolution que nous voulons faire, c'est contre la structure, c'est un renouvellement de la société, c'est contre c'est contre la violence, c'est contre l'autoritarisme. Et alors, la première révolution qui se développe sur la scène, c'est la révolution qu'il n'y a pas un metteur en scène, il n'y a pas un régisseur, mais ça sont des mots qu'il dit toujours Julien Beck, mais il n'y a pas, ils sont 32 metteurs en scène et 32 machinistes, et nous faisons nous-mêmes tous les décors et toutes les choses, Parce que et nous, tout notre travail, tout notre pièce sont contre, c'est contre la, sont contre la violence, l'autoritarisme, sont pour la paix. Et alors il faut que si nous sur le scène parlons, disons des choses contre cette forme, contre cette société, il faut un commencement renouveler nous-mêmes en avant tout. Bon, Gilbert Maurice Duprez, nous remercions Comment arrivez-vous à cette libération sur le plateau? La question très indiscrète qu'on ne peut pas ne pas vous poser. Comme nous arrivons à vous libérer aussi totalement, à être à la fois aussi relâché et aussi concentré sur scène. Combien d'heures par jour travaillez-vous? Des fois, nous avons travaillé 18 heures par jour, mais c'était pour des pressions de temps que nous avons des spectacles, des dates fixes. Des fois, nous ne travaillons pas. Et il y a une chose que je pense que c'est très remarquable, que nous, normalement, nous ne répétons pas dans la façon traditionnelle de la répétition. Nous, sur la scène, l'après-midi, quand nous travaillons, nous créons de nouvelles choses et après la soirée, on le fait. Nous ne répétons pas 10 fois ou 5 fois ou 6 fois ou 2 fois la même scène, jamais. Et c'est tout notre travail que des fois c'est très très très lent, c'est tout en discussion. Et il n'y a pas de cours, de leçons d'art dramatique ou d'académie, des choses. Et beaucoup de nous, ils sont arrivés dans le théâtre très jeunes et ils n'ont jamais mis un pied sur le plateau. Et surtout, nous faisons... Eh bien, je crois que nous allons interrompre là cette liaison qui n'est pas très très bonne techniquement. On travaille en HF actuellement au théâtre... 347, et nous allons réentendre un deuxième exercice d'acteur du Living Theatre. Ce bourdonnement, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je crois que ce sont les mouches de Jean-Paul Sartre, à moins que ce ne soient des bombardiers américains sur le Nord-Vietnam. Attention, Jean-François Noël, non, il faut préciser que le spectacle... Non, ce n'est pas un spectacle que donne le Living. Ce sont, on l'a dit, des exercices d'acteurs. Et vous avez assisté à cette représentation à Paris. Vous avez été un spectateur, un des jeunes comédiens, car ce sont des jeunes comédiens en général américains qui donnent ces représentations, vient de nous exposer les méthodes de travail des acteurs du Living. Et vous, en tant que spectateur, alors, Qu'avez-vous ressenti? Eh bien, j'ai ressenti d'abord, je dois le dire, un très grand malaise, car je suis probablement terriblement occidental, et je m'en excuse. Mais on a du mal, souvent, de suivre ces exercices, car dans le fond, chacun, je pense, voit à peu près midi à son clocher. J'ai eu l'impression du marteau sans maître. J'ai eu l'impression d'un instrument merveilleux, car nous sommes très au courant de cet effort que font les acteurs pour être eux-mêmes les auteurs de la pièce, pour devenir les auteurs de la pièce. J'ai l'impression d'un jeu qui devient terriblement dangereux, car on va finir par jouer dans les hôpitaux psychiatriques. Finalement, il se produit à peu près le même phénomène que ce qu'on a appelé le cinéma vérité. C'est-à-dire qu'on promène des caméras dans la rue et brusquement, tout le monde est affreux. Je ne suis pas sûr, Jean-François. Le mot-clé dans votre phrase, c'est le marteau sans maître. Car l'Amérique est un marteau maintenant dans la civilisation actuelle et ces jeunes ne veulent plus de maître. Car ils n'ont pas de maître à penser. La philosophie n'est pas au programme des grandes universités ou si peu. Et ils veulent échapper à un embrigadement qui est réel. Miller disait, il faut bien le reconnaître, nous sommes des hommes en uniforme. Ils ne veulent pas être un marteau non plus, mais l'image qu'un Américain nous donne, cette nation si grande, si vaste et si riche et si puissante, l'image du marteau s'impose. Mais ça n'est pas ça. Ce sont les petits-fils de Freud. Ah, non, mais j'ai bien l'impression qu'il y a une création permanente, comme la Révolution est permanente. Et j'ai l'impression que cette troupe, car il faut peut-être le préciser aussi, Jean Chouquet, c'est une troupe communautaire. Oui, c'est ils vivent en communauté. Ils vivent en communauté, c'est un espèce de kibboutz ambulant. C'est aussi échapper au matriarcat américain. Exactement, et au paternalisme, ne l'oublions pas. Mais cela dit, ce marteau sans maître est prodigieusement efficace, et je pense que sur un public dit parisien, il est terriblement traumatisant. Peut-être, mais nous avons, dans ce que vous appelez l'Occident, l'Amérique aussi c'est l'Occident, nous avons des créations de défoulement comme le carnaval de Bâle, ou d'autres cérémonies collectives. C'est ça. C'est l'équivalent. Car vous considérez alors que cette jeune troupe de jeunes Américains qui ont quitté volontairement leur pays et qui se promènent dans le monde est une tentative de défoulement. Et une tentative d'amour. Ah. L'Amérique a été isolationniste. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'insistance de la part de Roosevelt pour que l'Amérique entrât dans la dernière guerre physiquement et non en vendant du matériel. Ils veulent amener autre chose que des canons. Ça, c'est très important. La fleur au pouvoir, l'amour. C'est ça. Et trouver un langage universel. C'est ça. Et alors, vous avez vous-même, qui revenez des États-Unis, Hélène Turner, vous avez vu des expériences semblables là-bas. Oui, bien sûr. Dans ce qui est tout à fait hors de Broadway, et qui échappe, et qui est ce qu'on appelle le théâtre underground, le théâtre souterrain. Comme ils ont créé une chaîne de télévision souterraine, ce qui est très drôle, parce que c'est une image. Souterrain, ça veut dire occulte ou ça veut dire interdit? Ça veut dire occulte, interdit et une recherche des racines. Ça n'est pas du tout le théâtre de la résistance. Si, de la résistance à l'ordre social, de la résistance au gain. Eh bien, voici quelques images sonores de ce message d'amour, de ce message politique d'amour au monde du Living Théâtre que nous reverrons, je crois, bientôt à Paris, en novembre. Alors là, non pas dans ces exercices, mais avec une pièce. Je crois que ce sera l'Antigone de Brecht. Liberté à la Grèce, liberté maintenant, liberté à la Grèce, liberté maintenant, liberté à la Grèce, change the world, liberté à la Grèce, stop the war, liberté à la Grèce, stop the war, change the world, in Vietnam, change the world, stop the war, arrêtez la guerre. D'un jour à l'autre, par Hélène Turner, Jean Chouquet et Jean-François Noël. Première diffusion sur France Culture le 19 septembre 1967. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. yeah. Need a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to rip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah. Need a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby has to rip me a letter. My baby has to rip me a letter. Pas vraiment séduit par Ionesco ou par Beckett, Patrice Chéreau. Eugène Labiche, une masse, un catalogue privilégié de situations, mais un auteur qui écrit mal. Patrice Chéreau donnait à la radio sa première interview et Ariane Mouchkine terminait en beauté cette émission de Moussa Abadi, diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 septembre 1967. L'Office de radiodiffusion télévision française présente Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. Une émission de Moussa Abadi. Entretien avec Patrice Chéreau, lauréat du 10e concours des jeunes compagnies, et Ariane Mnouchkine, animatrice du Théâtre du Soleil. Il y a un peu plus d'un an, un jeune metteur en scène, doublé d'un décorateur de talent, Patrice Chéreau, présentait au Théâtre d'essai et de culture l'affaire de la rue de l'Oursine, une aimable comédie d'Eugène Labiche qu'il avait lui-même adaptée et réécrite avec beaucoup de désinvolture. Et ce fut un beau succès d'estime. S'il y a un pari à prendre, je le prends, écrivait Pierre-Marc Cabru au lendemain de cette étonnante reprise. Dans 5 ans, Patrice Chéreau sera aussi connu que Roger Planchon. Il a l'étoffe d'un très grand homme de théâtre. Eh bien, cet animateur de 21 ans, qui a en effet des dons éclatants et une ténacité sans défaut, vient de remporter une victoire bien méritée au 10e concours des jeunes compagnies avec sa mise en scène « Des soldats », un mélodrame oublié du 18e siècle du dramaturge allemand Jakob Michael Lenz. Il succède ainsi au palmarès de ce concours à d'autres animateurs qui depuis ont fait leur chemin, Georges Vitali, Nicolas Bataille, Jacques Fabry, Sacha Pitoëf, Antoine Bourseiller et Georges Lavelli. Voici donc Patrice Chéreau à l'aube de sa carrière. J'ai 21 ans, je suis né en Maine-et-Loire. Mon père est peintre, est artiste peintre, ma mère est dessinatrice, c'est-à-dire que j'ai été... très tôt, mêlé aux questions artistiques. Enfin, mon père m'a emmené depuis l'âge de 5 ans dans les musées. Et j'ai fait comme étude des études classiques, français, latin, grec, enfin, jusqu'à quelques années, puisque maintenant je les ai arrêtées. Dans quel lycée ? J'ai fait mes études au lycée Louis le Grand, à Paris. Et vous alliez souvent au théâtre en faisant vos études ? En faisant des études, j'ai commencé à aller au théâtre, enfin vers l'âge de 15 ans. J'ai commencé à m'y intéresser, j'ai découvert le théâtre plus ou moins par la Comédie Française, par le TNP, par les matinées classiques enfin, qui se donnaient à cette époque-là. Et ça a commencé à m'intéresser vers cette période-là. Enfin. Quel âge aviez-vous alors ? À cette époque-là, j'avais 15 ou 16 ans. Et je crois que mes parents, enfin, pour autant que je me souvienne, mes parents voyaient d'un assez mauvais œil le fait que je m'intéressais à cette branche de l'art, enfin, disons.

On a l'impression que vous jugez ces hommes qui ont beaucoup apporté au théâtre et qui ont beaucoup servi le théâtre, on a l'impression que vous les jugez un peu du haut de votre œuvre future. Non, du tout. D'abord, il y a des choses enfin, que j'admire énormément, enfin, que ce soit Brecht, que ce soit éventuellement dans certains cas Adamoff, et que ce soit Planchon. Et ce sont des choses pour lesquelles je suis sans réserve, disons. Maintenant, pour ce qui est de mon œuvre future, je suis en train de tâtonner, si vous voulez. C'est-à-dire que j'estime que dans le théâtre ancien, disons, dans les classiques, dans Marivaux, dans les pièces chinoises, par exemple, que j'ai l'intention de monter à la rentrée, les pièces chinoises du XIIe siècle, qui racontent des histoires très simples entre des femmes qui sont prises, enfin, qui sont des histoires très modernes. J'estime que là, on a des histoires qu'on peut raconter au public, enfin, auquel je veux m'adresser, qui sont des histoires très modernes. Il est certain qu'il faudra que je fasse tôt ou tard un travail de répertoire moderne. Enfin, et là, je constate enfin qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui racontent des histoires qui se passent entre les gens et des choses qui concernent directement les spectateurs auxquels on veut s'adresser. C'est-à-dire que là encore, il y a une recherche à faire et on n'en est qu'au premier tâtonnement. Oui, Patrice Chéreau en est encore à ses premiers exercices, à ses premiers tâtonnements. Laissons-lui donc le temps de mûrir et faisons-lui confiance. Nous en reparlerons la saison prochaine. Comme Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine vient à peine de sortir de l'anonymat du théâtre universitaire. Mais depuis quelques mois, et plus précisément depuis qu'elle a monté et mis en scène « La cuisine », la première pièce du dramaturge anglais Arnold Wesker, son nom est sur toutes les lèvres. Et la compagnie du Théâtre du Soleil, dont elle est l'animatrice, est passée sans transition de l'amateurisme à la classe internationale. Ariane Mnouchkine est née à Paris d'un père russe et d'une mère anglaise. Elle a 28 ans. Mais d'où vient-elle et qu'avait-elle fait avant de fonder sa compagnie? Je travaillais en Angleterre, au théâtre universitaire anglais, comme assistante. Et puis je suis revenue à Paris et puis j'ai demandé à faire partie du groupe de théâtre antique de la Sorbonne. Et puis là, on n'y recevait pas les femmes. C'est ça a changé d'ailleurs, maintenant ils les reçoivent très bien. Alors, nous avons fondé l'Association théâtrale des étudiants de Paris. Là, j'ai fait une mise en scène. Et puis après, j'ai travaillé avec un décorateur. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous aviez fait comme étude avant de vous consacrer à l'art dramatique? J'ai commencé une licence de psychologie. Ça m'intéressait énormément. Je me suis dit que je devais choisir entre le théâtre et la psychologie. Alors, j'ai choisi le théâtre et j'ai abandonné ma licence. Sans regret? Oui, maintenant, sans regret. J'ai longtemps hésité, je me suis dit peut-être que je faisais une bêtise. Puis finalement, vraiment, le théâtre prend trop et je ne dis pas qu'il faille abandonner ses études pour faire du théâtre. Enfin, moi, j'ai dû le faire. À 24 ans, parce que l'Amérique du Sud, c'est trop cher, Ariane Mnouchkine s'embarque pour l'Asie. Et comme on lui refuse son visa pour la Chine, elle travaille 5 mois au Japon avant de passer par la Corée, de visiter le Népal et de revenir de Bangkok en autobus. Et, de retour à Paris, en 1964, elle fonde, avec une dizaine de ses camarades de faculté, la compagnie du Théâtre du Soleil. Ce que nous avons voulu créer, c'était une communauté. Parce que pour nous, le théâtre ne peut pas se faire dans la solitude. Alors, nous nous connaissions déjà depuis 4-5 ans même, peut-être même plus, 6 ans en fait. Et déjà à ce moment-là, alors que nous faisions du théâtre universitaire, nous avions le projet d'en faire un jour, non pas une distraction d'amateur, mais notre métier, ensemble. C'est ce que nous avons fait, légalement, si vous voulez, sous forme de coopérative ouvrière de production, parce que c'était la formule qui correspondait le mieux à nos... Je voudrais pas dire idéal parce que ça fait un grand, bien grand mot, mais finalement c'était un peu ça quand même. Vous dites coopérative ouvrière de production. Oui. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment fonctionne votre compagnie. Bien, si vous voulez, c'est un groupe de gens qui, au départ, mettent en commun non seulement leur amour du théâtre, mais toute leur force et puis un petit peu d'argent, ce qu'on avait, pour avoir un capital qui est déposé et sur lequel se base l'existence légale de la compagnie. À part cela, il y a donc un bureau, il y a un président-directeur général, des administrateurs, un trésorier, qui sont donc, si vous voulez, le noyau de la compagnie. Novembre 1964. La compagnie du Théâtre du Soleil, troupe itinérante, présente Les Petits Bourgeois de Maxime Gorki, son premier spectacle, dans les régions les plus déshéritées de la banlieue parisienne, à Ivry, à Pantin, à Noisy-le-Sec, à Courbevoie et à Vincennes. Au mois de janvier 1966, elle crée au Théâtre Récamier Capitaine Fracasse, d'après le célèbre roman de Théophile Gautier, dans une adaptation de Philippe Léotard. Avec ses maladresses, mais avec sa jeunesse, ce spectacle m'a enchanté comme une jolie histoire, écrivait Gilles Sandy au lendemain de cette création. J'aime, c'est vrai, le roman d'aventure où les aventuriers sont des comédiens et le théâtre l'aventure. Des comédiens ambulants, pour qui aiment le théâtre comme je crois l'aimer, sont des héros privilégiés. Qu'ils soient ceux des gravures de Callot, des romans de Scarron et de Théophile Gautier ou du Carrosse d'or de Renoir, ces comédiens en quête des routes, celles qui mènent partout, au rêve, à l'amitié, à l'amour, à soi-même et aux autres, ces comédiens portent avec la part du rêve une étrange charge de poésie. Et ce qui, dans ce spectacle, m'a donné un si vif plaisir, c'est la justesse d'accent que trouve la ferveur d'une jeune troupe pour rendre hommage au théâtre et à son univers fabuleux. Le 8 avril 1967, la compagnie du Théâtre du Soleil présente au Cirque de Montmartre La Cuisine d'Arnold Wesker, dans une excellente adaptation de Philippe Léotard et une mise en scène d'Ariane Mnouchkine. Et la critique unanime salue ce spectacle comme l'un des événements les plus importants de la saison. En un mot commençant, c'est un triomphe. Pour Wesker, pour le Théâtre du Soleil et surtout pour Ariane Mnouchkine. La cuisine, écrit Guy Dumur, est une très bonne pièce. Sobre, émouvante, la première qu'on ait réussi sur un sujet ingrat, le monde du travail à la chaîne. Ce que Chaplin avait réussi avec les machines futuristes des temps modernes, Wesker le réussit sans rien ajouter à la réalité. En deux heures de spectacle, il nous donne, copiés sur le temps réel, deux moments de la vie d'une cuisine d'un restaurant populaire qui sert 1500 repas par jour. 30 personnes, cuisiniers, serveuses, balayeurs, plus un patron paternaliste, font devant nous leur métier, mais aussi arrachent à leur travail forcené quelques minutes de rêve, quelques minutes de folie furieuse, plus des scènes de ménage qui se perdent dans le vacarme des commandes. Cette cuisine est un enfer. Le premier mérite du Théâtre du Soleil, écrit de son côté Pierre-Marc Abru, est d'avoir su nous imposer jusque dans ses gestes les plus précis, jusque dans son rythme le plus rapide, ce cérémonial dérisoire, et sans céder ni au naturalisme ni à la stylisation. Équilibre difficile, et que chaque comédien, jusqu'aux silhouettes, préserve excellemment. C'est peut-être la première fois en France qu'une compagnie nous offre un plateau de 37 comédiens dont pas un seul ne reste en panne. Véritable miracle qui à lui seul justifie le déplacement. Voilà donc une réussite indiscutable. Mais la compagnie du Théâtre du Soleil ne s'en tiendra pas là. Après deux ans d'existence, elle va désormais concentrer ses efforts dans une localité où elle pourra créer ses spectacles, en recevoir d'autres, encourager les initiatives locales, notamment la construction d'un théâtre correspondant réellement aux besoins scéniques actuels, susciter enfin, dans la ville choisie, un réel besoin de théâtre. Et Ariane Mnouchkine pense déjà au répertoire qu'elle proposera à ses futurs spectateurs. Nous en avons une idée pas précise mais intuitive. Ce sera certainement un répertoire qui peut accrocher et passionner un public qui n'est pas tellement gâté au point de vue théâtral. Je parle au point de vue densité théâtrale, au point de vue qualité. Je trouve que ce que fait Garand et le Franc Théâtre est formidable. Mais il y a d'autres endroits où c'est très loin et il n'y a rien. Donc c'est évidemment ce public-là qui nous intéresse parce que je crois qu'il est encore... plus proche du théâtre que le public parisien. À ce public de la banlieue parisienne, à ce public essentiellement populaire, Ariane Mnouchkine présentera au cours de cette saison Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et après Shakespeare, Wedekind avec le marquis de Kite. Nous aimerions monter peut-être un jour Tchekhov. Nous aimerions monter... Et un classique. Ah, pas tout de suite alors, parce que voyez-vous, pour ça il faut du bagage théâtral. Oui. Enfin, ça dépend, peut-être un Molière. Oui, mais ça, il faut beaucoup de bagages. À en juger par ces brèves confidences que nous venons de lui arracher, Ariane Mnouchkine, à l'encontre de la plupart des animateurs de sa génération, semble ignorer le nouveau théâtre. Je l'aime probablement monté par d'autres, mais je ne l'aime pas pour le monter moi-même. Bon, je n'aime pas le théâtre d'avant-garde en général. Je lui reproche quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est qu'il s'est complètement séparé d'une certaine cérémonie et de la fête. L'Office de radiodiffusion télévision française vous a présenté Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. C'était un entretien avec Patrice Chéreau, lauréat du concours des jeunes compagnies, et Ariane Mnouchkine, animatrice du Théâtre du Soleil. Prise de son, Jean Nicolaï. Speaker, Jean Gasto. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 septembre 1967. Quand l'été a disparu, quand le temps s'en est allé, du côté des saisons mortes, on ne peut que soupirer, regretter l'été, mais pour revivre un jour d'été. Lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Quand l'amour a disparu, l'amour, quand le cœur s'en est allé du côté des jamais, plus jamais, on ne peut que regretter l'amour envolé, mais pour ressusciter l'amour. Si votre cœur vide est trop lourd, si l'ennui menace vos jours, il faut aimer. Soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Devant la joie retrouvée, la joie, quand le cœur s'est installé, étalé du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été, le plus bel été. Chanter la terre pour être heureux. chanter le jour, chanter la nuit, chanter le soleil et la pluie, chanter l'hiver, chanter le vent, chanter les vides et les champs, chanter la mer, chanter le feu, chanter la vie, chanter les fleurs, chanter les rires, chanter les pleurs, chanter la mer, chanter le feu, chanter la terre pour être heureux. And what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Variétés et cinéma, samedi et dimanche prochain à la même heure. C'est en effet en mai 1967 à Roubaix que Jacques Brel donnait son dernier récital public. Adieu, tour de chant et longue interview accordée à Dominique Arban sur France Culture. Bien vite, les admirateurs du chanteur allaient le retrouver, la même année, dans un film d'André Cayatte, Les risques du métier. Ce film sera donc au menu de C'était 1967, mais aussi Playtime de Tati, Blow Up d'Antonioni et le Festival de Cannes, raconté par l'un de ses jurés rigolards, Jean-Louis Borry. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Baby, baby.